couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur Locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy au 94.2 FM et sur fadjet.net pour votre demi-heure avec les artistes de la région, de la grande région, et parfois on va même plus loin. Pourquoi ? Parce qu'on fait ce que l'on veut. On est sur Facebook, Fadjet-du-6, Couleur Locale, sur les réseaux, Pierre au micro, saison 2023-2024. Quand même, c'est sympa de continuer à faire de la bonne promotion musicale. Bon appétit, que vous nous écoutiez samedi à 13h ou dimanche à midi. Votre palais est contenté, votre estomac adore ce qu'il est en train d'ingurgiter. Mais nous, on va vous nourrir. Autrement, vous le savez, c'est double ration. Tous les week-ends, double ration pour votre corps, mais pour votre esprit. Votre âme, votre cœur, on va s'intéresser à votre identité, à ce qui fait de vous un être humain, on va vous faire rêver, on va vous faire voyager en musique avec Johan Casanova. Salut Johan. Merci de me recevoir, salut à tous. C'est beau comme intro. Tu as fait une très très belle intro, ouais. Tu m'as vraiment beaucoup impressionné. Je tiens à te le dire. Ah, ben merci beaucoup. C'est vraiment très très gentil, mais cette émission ne va pas parler de moi, alors je te demanderai de cesser tout de suite. Je cesse. Qui passe d'un truc à un autre comme ça. Non mais vraiment, belle intro, je pense que ça fait partie de mes top 3 d'intro que j'ai vécu en direct live. Ah là là là là, ça fait plaisir, merci à toi. Je suis ravi de te recevoir, toi qui sors un album en 2023. La semaine prochaine, le 29 septembre. Exactement. Ben, merci à vous de me recevoir, merci à toi de m'accueillir aujourd'hui. Ne me vouvoie pas, s'il te plaît. Merci à vous en général, ouais, à la radio et à toi aussi, évidemment. Mais voilà, merci pour cette interview. Oui, je sors un album voilà, fin septembre, un album que j'ai mis quelques temps à mûrir. Et voilà, j'ai hâte qu'il voit le jour. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai mis peut-être un peu de temps à sortir par rapport à la visibilité que j'ai pu avoir. Bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais bien sûr, à The Voice. Mais voilà, aujourd'hui, je suis très content de mon parcours, de ce que j'ai fait. Aujourd'hui, cet album, c'est aussi une satisfaction personnelle, pardon, dans le sens où voilà, maintenant, je me suis lancé tout seul dans l'autoproduction de cet album-là. Tu t'es lancé tout seul après un parcours qui en ferait rêver plus d'un, puisqu'effectivement tu es finaliste de The Voice 2018. Encore toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Même 5 ans après, ça se félicite, ce genre d'accomplissement. Recalé d'ailleurs aux auditions à l'aveugle, il me semble, en 2016. Exactement. C'était une revanche. Peut-être un mot un peu fort quand même. On va rester dans un champ lexical positif. Enfin, je dirais pas une revanche. Un accomplissement. Exactement. Ouais. Mais pour moi, c'était pas une revanche. C'était déjà une belle étape d'être passé en 2016 à la télé devant un jury aussi compétent, je dirais. Mais voilà, à partir de ce moment-là, j'étais arrivé avec aucune attente. Je suis arrivé à cette audition et j'avais vraiment envie de prendre le plus d'expérience possible. À l'époque, j'avais un groupe en Corse qui s'appelait Cernese. Je voulais te demander comment ça se prononçait. Cernese, ouais, ok. On a fait 3 albums avec 6 chanteurs Corse, c'est ça. Exactement, on faisait du pop rock en Corse, mais on faisait aussi un peu de chant traditionnel. Mais voilà, on a fait 3 albums avec ce groupe-là, et c'est comme ça qu'on a mis un premier pas dans le monde de la musique. On a fait beaucoup de concerts, on s'est d'ailleurs exporté un peu en Alsace et au Pays Basque, on a fait quelques concerts là-bas aussi. Et voilà, je venais découvrir un peu le milieu parisien, et voilà, c'était vivre une expérience tout simplement. Ça s'est pas retourné, mais voilà, c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai pris conscience que je voulais faire ça de ma vie en tant que métier. Et que j'ai tout quitté, qu'ensuite je suis venu dans votre belle région pour venir encore m'améliorer au niveau de la musique et faire l'école, la Musique Académie Internationale, qui m'a beaucoup permis d'évoluer et ensuite qui m'a amené encore à reparticiper à The Voice en 2018. Chanteur, guitariste, groupe Corse qui s'exporte à Paris et à Nancy, l'AMAI, The Voice, et puis en 2023, on y est. Un album, le premier je crois en solo. Le premier solo, exactement, qui s'appellera Aria, qui est l'air. Parce que bon, dans le cheminement, tous mes albums porteront le nom d'un élément. Donc le premier pour moi, ça sera l'air. Parce que pour moi, c'est un peu le nouveau souffle à ma carrière, à ma modeste carrière. Mais voilà, c'était pour moi un nouveau souffle. C'est pas le même mot, mais pour moi c'est une nouvelle ère. Donc Aria, donc, voilà. C'est pour ça que je l'appelais Aria le premier. C'est R en Corse, j'imagine. Alors oui, alors ça se dit Aria effectivement okay. en Corse, mais c'est pas, c'est plus la, j'ai plus choisi pour la racine latine parce que les autres ne porteront pas forcément un nom corse, mais celui-ci oui, à l'occurrence Aria en Corse. Ça donc dire. L'air, le feu, la terre, le vent. Si on se limite aux quatre premiers éléments traditionnels. J'ai pas la terre aussi, mais j'ai pas encore choisi le reste. Mais en tout cas, voilà, les quatre premiers. Après, peut-être qu'il y en aura et d'autres. Heureusement que t'as pas choisi de faire un album par chiffre. Ou... Ah, ça serait... Parce que là, voilà, il y en aurait trop. Yoann bon. Casanova, 99 ans, sort son 130e album. Un album par année. On écoute Fadjet, couleur de cale avec Yoann Casanova, Pierre au micro. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux, puisque tu es sur Facebook, tu es sur Instagram... Un peu toutes les bonnes crémières, quoi. On est de partout, Facebook, partout. Insta, TikTok, Twitter. Twitter. Voilà. Faut faire attention parce que je le souligne pas assez. Il y a beaucoup de faux comptes et mes seuls comptes sont certifiés d'une pastille. Donc, voilà. On fait attention aux brouteurs, mes amis, comme on pourrait les appeler. Couleur locale avec Yoann Casanova. Les temps sont durs, tu sais, parfois. La rentrée est derrière nous. Les petits-enfants vont à l'école, mais parfois, ils n'aiment pas. Et tu sais pourquoi les enfants n'aiment pas aller à l'école, parfois ? Dis-moi tout. Mais ils n'aiment pas aller à l'école parce que on sait pas trop parfois où ça nous mène. Et on sait pas trop où ça nous mène parfois parce qu'il faut dire qu'on vit dans un monde flou. Exactement. Vit dans un monde flou. Tu trouves pas? Pas mal cette intro. C'est vraiment, c'est le titre de la chanson. Exactement. Bah, c'est... Monde flou. Mais je suis un peu perturbé par tes petites annonces, tu vois. Bah, franchement, je m'attendais pas à ça. Mais c'est le titre qui arrive, Monde flou. Bah, pour moi, c'est un message de tolérance que j'ai voulu, sur lequel j'ai voulu écrire. Parce que voilà, de nos jours, je trouve qu'on laisse pas assez les gens faire ce qu'ils veulent, hein, dans la mesure évidemment du possible. Et bien sûr qu'il faut des barrières, bien sûr qu'il faut des limites, parce que sinon c'est la cacophonie. Mais il y a des choses qui pour moi sont normales et il faut que les gens tout simplement soient heureux. Pour moi, les gens doivent être heureux pour qu'on ait une bonne cohésion de vie, je dirais commune. Et voilà, c'est pour ça que j'ai appelé cette chanson comme ça, parce que le monde est flou et le monde est fou. Donc voilà, c'était le petit jeu de mots qui va avec. Mais pour revenir à ta petite introduction avec l'école, je pense que l'école est importante. Après, évidemment, quand on grandit, bah, pas tout le monde n'est fait pour aller à l'école. Et tant qu'on sait ce qu'on veut et tant qu'on sait vers où on va, c'est le plus important. Et tant qu'on fait quelque chose qu'on aime, c'est le plus important aussi. Alors allons-y, chers auditeurs, vous l'avez entendu, c'est Yoann Casanova, on fait ce qu'on aime et on traverse ce monde flou, ce monde fou, en tolérance et en musique, avec toi sur les ondes de Fadjet dans Couleur Locale. Tu te sens mal aimé, t'as peur de tout, t'as du mal à t'aimer, ça te rend fou, laisse-moi te parler de ce monde de flou. Besoin de critiquer tous ces jaloux. On sait que ça fait mal, on prend des coups. Il est temps d'arrêter ce monde de flou. Peu importe qui tu aimes, une fille ou un garçon, je crois qu'on est tous les mêmes. T'as les yeux bleus ou marrons, allez tape dans tes mains et chante ce refrain. D'essayer d'aller au bout. Il y aura toujours quelqu'un dans ce monde de flou. Tu pourras lui parler sans aucun tabou. On ne vient pas d'ailleurs, on est partout. Je crois qu'on a tous un cœur dans ce monde de flou. Peu importe qui tu aimes, une fille ou un garçon, je crois qu'on est tous les mêmes. T'as les yeux bleus ou marrons, allez tape dans tes mains et chante ce refrain. faut de tout pour faire un monde. Il faut des fadjets, des couleurs locales, des Johan Casanova. Le monde de flou, alors ça on le répète toujours, mais bon, Deezer, Instagram, Spotify, en veux-tu, en voilà, c'est partout. Exactement, bah, toutes les plateformes, de streaming légal, sur YouTube évidemment, où vous pouvez retrouver le clip également. Alors il y a un clip qui mélange trois morceaux. Oui, alors j'ai voulu créer un clip concept avec trois chansons. Donc il y a Monde de Flou, il y a Nirvana que vous écouterez peut-être tout à l'heure. Oui, qu'on va écouter. Et Chaviré, une autre chanson. J'ai voulu créer un clip un peu concept parce que de nos jours, voilà, on est dans une ère où les médias sont hyper importants, je trouve, et d'un autre côté, les clips ne font pas non plus la même unanimité qu'avant. Donc j'ai voulu créer un espèce de concept comme ça, en prenant trois de mes titres et en faisant des petites histoires différentes par rapport à ça, en restant sur un format de 3 minutes 30 évidemment. Donc j'ai pris trois extraits de chaque chanson et j'en ai fait un seul et même clip. Nirvana, Monde Flou et Chaviré, et ce qui est marrant avec du recul, alors c'est drôle vraiment avec du gros recul, c'est qu'il y a un extrait de Chaviré, mais c'est finalement ce qui t'est arrivé un peu. Oui, et ça m'est arrivé sur Monde de Flou, bizarrement. Donc, ouais, j'ai eu une petite mésaventure sur un des mini-clips, du coup. Donc, c'était sur la chanson Monde de Flou. J'ai voulu innover en termes d'idées. Donc, bon, j'ai mis un matelas gonflable que j'ai créé en lit sur la mer chez moi, au large de Bastia. Donc, je voulais être filmé par un drone. Et bon, quand je me suis mis à l'eau, tout allait bien, une mer d'huile, une mer plate. Et donc, quand on avait fini le tournage, donc 20 minutes après, parce que la batterie d'un drone ne dure pas très très longtemps, je me suis levé et j'avais senti un peu l'air et le vent se lever. Donc j'ai vu que j'ai dérivé, donc j'ai essayé quand même tant bien que mal de rentrer à la nage en battant des pieds avec le matelas, mais j'ai bien senti la puissance du courant qui avait également changé. Et donc du coup, heureusement, par chance, bah, j'avais mon téléphone aussi sur le matelas, j'avais une couverture, la nuit commençait à tomber, et bon, je me suis couvert, j'ai appelé les secours, et bon, la maquilleuse et le réalisateur qui était avec moi aussi ont rassuré ma famille. Mais du coup, voilà, j'ai fini à 4 km des côtes bastiaises. Et puis voilà, l'hélicoptère est venu me repérer. Le bateau de la SNSM est venu également me récupérer juste avant la tombée de la nuit. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance, mais voilà, ça aurait pu mal finir. Sans compter les méduses qui m'attendaient à côté. Et heureusement, tout s'est bien terminé. C'est pour ça que tu es là avec nous aujourd'hui. J'aurais détesté passer des musiques en ton hommage et en ta postérité. Je préfère t'avoir vu en réel déjà. Moi aussi, concert, je préfère. Voilà. Je préfère. Un concert le 2 septembre pour la bande à Tata Karine, un concert caritatif où tu as prêté ta voix avec brio pour la cause des enfants. Malade, handicapé, de la protection de l'enfance. Exactement. C'est ça. Donc ça, déjà, moi, je tiens à te remercier de faire ce genre d'initiative. Pour moi, c'est, je trouve ça normal, parce que je trouve que, alors certes, c'est mon métier, évidemment que je fais des prestations qui sont rémunérées, mais je trouve que une deux fois par an ou même trois fois par an, bah, quand c'est pour une cause qui me semble louable, et ben voilà, je n'hésite pas à répondre présent, en tout cas dans la mesure du possible, quand je suis disponible évidemment aussi, à venir et à faire, bah, faire ce que je sais faire, tout simplement. Mais voilà, que ça serve en tout cas à ce genre de cause. La musique, c'est une passion, c'est un travail, mais c'est aussi l'art que l'on peut exprimer pour les causes. On l'a vu lors de ce concert caritatif, un art qui date pas d'aujourd'hui pour toi, hein, puisque ça fait un moment que tu fais ça. On a parlé brièvement de ton parcours, on va pas faire toute la biographie, on va peut-être revenir sur le cœur du sujet, la musique. Moi, il y a une question que j'aime bien poser, c'est: est-ce que tu aimes la musique? Non, c'est pas cette question que je voulais poser. Ah, d'accord. Bah sinon oui, hein, j'aime beaucoup la musique. C'est bien, il me répond, mais question stupide. Non, la vraie question, mais oui, évidemment, tu as de la musique. La vraie question, alors je vais pas réinventer l'eau chaude, mais c'est celle des inspirations, des influences, et surtout celle de la définition. Alors je sais que les musiciens n'aiment pas toujours définir ce qu'ils font, et moi j'aime bien. Alors je sais, en fait, ça fait deux questions. Tu m'excuseras pour le pauvre travail journalistique. C'est pas un souci. Je plaisante. Quelles sont tes grandes inspirations et comment définirais-tu ce que tu fais? Alors, c'est une belle question parce que moi je trouve que ça soit un humain tout court ou un artiste, toute sa vie, il évolue. Et vu que j'ai pas mal traîné en ce moment, plus généralement, je fais de la pop. De la pop. J'aime écrire des chansons, mais voilà, de la pop dans le sens où c'est populaire, c'est accessible aussi, je pense, à tout auditeur. J'essaye, en tout cas, de ce que j'ai voulu faire pour cet album, j'essaye de mettre un maximum d'instruments organiques. Chose que de nos jours, on avait un peu perdu sur quelques titres, parce que de nos jours, c'est beaucoup la production par ordinateur électronique, la MAO qui prime, je dirais. Mais voilà, moi, j'ai toujours, enfin, mon père m'a toujours fait écouter Police, Scorpion, U2, des grands groupes de rock de l'époque, des années 80 et j'en passe. Et bon, il m'a aussi bizarrement fait écouter beaucoup de chansons françaises comme du Brel ou du Richard Cochante, et même si Cochante chante aussi en italien, mais voilà, ces chansons françaises. Et moi, j'ai toujours mon style que j'aime écouter et que j'aime chanter aussi. Alors ça va du rock au pop rock. Même des fois, j'aime beaucoup les mots. C'est ce style-là, un peu comme Evanescence, je dirais. C'est un peu punk aussi. Voilà, j'aime bien ces influences-là. J'aime écrire en français, j'aime écrire en anglais, j'aime écrire en corse. J'aime pas me définir juste me cantonner à une chose. Quand je crée une mélodie et que je me dis que celle-ci pourrait résonner mieux en français ou celle-ci pourrait résonner mieux en corse ou en anglais, je la fais. Là, ce qui va arriver aussi prochainement, c'est mon tout premier album et il y a des chansons qui ont été faites il y a 2-3 ans déjà. C'est pour ça que je suis très très content de le sortir. Mais dans ce que je fais plus récemment, je me dirige beaucoup plus vers le rock, dans quelque chose que j'ai envie de faire finalement depuis pas mal d'années et que de par mon parcours je n'ai pas fait, mais en tout cas ce que vous allez écouter là, ce que vous entendez, c'est de la variété française mélangée un peu avec du pop rock, avec des vrais instruments et tout en ayant cet esprit organique et vrai que je voulais retrouver, parce que c'est ce qui me fait vibrer, c'est les vrais instruments, c'est la vraie émotion. Donc c'est pour ça que j'ai fait cet album-là dans ce sens. Fadjet, couleur locale, 94.2 à Nancy et Fadjet.net. On est avec Johan Casanova, ancien candidat de The Voice, qui nous sort son album Aria. Puis je suis quelqu'un qui aime... Quand je vois quelqu'un, par exemple, jouer d'un instrument qui n'est pas, je dirais, entre guillemets, commun, comme la clarinette ou même le violon, c'est un instrument plus commun, mais finalement, il y a très peu de bons violonistes, etc. J'ai une admiration pour ces musiciens. Parce que c'est une émotion différente de ce qu'on peut entendre, et au final il le joue avec tellement d'amour et tellement de passion. La musique électronique et ce qu'on fait sur un ordinateur ne remplacera jamais l'âme qu'il y a dans un instrument et l'âme que le musicien y met aussi en le jouant, quoi. Et ben moi je trouve ça wonderful, tu vois. Bah merci. Je trouve ça merveilleux. Donc on rebondit encore. On va ne faire que rebondir. Et d'ailleurs, si vous avez raté les rebondissements depuis le début de l'émission, chers auditeurs, pas de panique, il y aura un podcast sur le site de Fadjet et sur mon Spotify for Podcaster, Pierre Mercieul Fadjet, je crois. Donc allez écouter, il y a les émissions de la saison dernière. Il y aura celle avec toi, Johan Casanova, Wonderful, un titre en anglais. Alors... Le titre est en anglais. Il y a une phrase en anglais dans cette chanson, sinon elle est. Titre de la musique, je parle. Ouais, le titre de la musique est en anglais. Oui, tout simplement parce que quand j'ai composé cette chanson avec un très bon ami à moi qui s'appelle Terence James, qui a notamment fait The Voice et l'Eurovision avec moi, et Victor Duport qui est un guitariste, auteur-compositeur. Et on était tous les trois donc à côté de Nice, à la Turbie, chez mon ami Terence, et on a composé cette chanson. Et en fait, quand on a commencé à écrire les paroles, arrivé à cette partie-là où je dis « Wonderful », je me voyais pas changer la phrase, parce qu'en fait, on l'avait pensé comme ça, et Et pour moi, voilà, magnifique. Pour moi, c'est wonderful. Le mot glissait et pour moi, c'était cohérent. Et on a laissé cette phrase. On a laissé cette phrase comme ça. Eh ben, on va écouter ça tout de suite avec toi. C'est Wonderful de Juan Casanova. On est sur Fadjet dans Couleur Locale. Vous y êtes bien. Restez-y. Ta mélodie me glace quand elle revient. Je fais du surplace, je me retiens. Là sous la pluie, je brûle, mais ça m'éteint. Sans fin, cette pluie ne sait pas pour qui elle tombe. Si c'est pour toi, si c'est pour moi. Cette fois, je reviens d'outre-tombe. Si c'est pour toi, oui, je suis là. Si jamais j'y allais, si je me lance, je ne peux pas, imaginer que tu sois indifférent. Je suis paralysé, mais j'en crève de nous. Tous les deux, we could be wonderful, we could be wonderful. Seul j'imagine nos lendemains, tes yeux dans les miens, jusqu'à la fin. Là dans la nuit, je cours vers ce chemin. Enfin, mais la nuit ne sait pas pourquoi elle tombe. Si c'est pour toi, si c'est pour moi. Cette fois, je reviens d'outre-tombe. Si c'est pour toi, oui, je suis là. Si jamais j'y allais, si je me lance, je ne peux pas, imaginer que tu sois indifférent. Wonderful de Juan Casanova, qu'on peut retrouver clippé sur YouTube. C'était mon premier clip en tant que, je dirais, tout seul, que j'ai autoproduit avec, avec mon propre label. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir mon ami Denisa Ikonomova qui m'a rejoint pour jouer avec moi dedans. Donc bon, pour ceux qui la connaissent, voilà, le clip est disponible sur YouTube. On partagera tous les liens, évidemment, pour ceux qui ne te connaissent pas, et même pour ceux qui te connaissent, parce qu'une piqûre de rappel, c'est toujours important, surtout lorsqu'on sort un album très bientôt. Aria, l'air, le vent, l'élément qui nous porte. Exactement, bah, c'était l'élément qui me semblait le plus cohérent à cette période-là de ma vie, je dirais. J'ai cru que t'allais dire de l'année, j'étais en train de me dire. Ouais, de l'année, du vent, il y en a toute l'année. C'est vrai. Mais de ma vie, je dirais. Donc voilà, j'ai hâte que cet album voit le jour. Combien de titres ? Alors, là, de tête, je ne sais plus trop, je crois que c'est 14. Enfin, pas mal quand même comme album. Oui, bah, je te dis, parce qu'il y a des chansons que j'avais déjà faites avant, qui ont quelques années, que j'avais pas encore sorties, que je veux absolument mettre dedans, parce qu'elles me tiennent à cœur. Il y a notamment une chanson sur mon grand-père que j'ai perdu il y a quelques années. D'accord. Et qui a été faite par Mark Weld, un auteur-compositeur très, très connu. Et bon, j'ai eu la chance de la chanter à mon grand-père avant qu'il parte. Et voilà, cette chanson, ça fait quelques temps que je la chante aussi sur scène, et j'ai vraiment envie de la sortir aussi pour qu'elle puisse faire sa vie et que les gens puissent l'écouter. On sent l'émotion dans ton regard quand tu parles de cette chanson. Oui, bah c'est normal, ça me touche. Ça te touche. C'est une personne qui était très très importante pour moi et que j'ai perdue. Bon, tout le monde est capable de ressentir cette émotion une fois dans sa vie, donc voilà, ouais, c'est normal que ça me touche. Après, j'en parle très très calmement et très ouvertement, j'ai aucun problème à en parler évidemment, mais ouais, c'est vrai que quand on pense à quelqu'un qui nous manque, on a toujours le petit frisson, et voilà. Donc un album d'émotion. Oui, pas que, il y a des chansons qui seront également dansante. Après voilà, j'essaye de, comme Monde Flou, j'essaye de d'écrire sur des sujets qui me parlent, qui me touchent, mais je peux y mettre un tempo un peu plus rapide et faire passer le message tout en étant dans plus ou moins dans la joie. Donc voilà, ça dépend des chansons. Évidemment, il y a des chansons un peu plus émotives, un peu plus tristes, un peu plus mélancoliques, mais il y a aussi des chansons très dynamiques et très impulsives. Tu écris, toi? J'écris, je compose. Tu écris, tu composes. Alors, on va jouer à un petit jeu. Dis-moi tout. Je vais te mettre deux situations. Je vais te parler de deux situations. Et tu vas me dire laquelle des deux t'inspirerait le plus pour écrire et ou composer. D'accord. Es-tu prêt à rentrer dans cet univers? Je rentre. Premier cas de figure. Tu rentres d'une tournée. Mm-hmm. Tu es éreinté. D'accord. Éreinté, mais satisfait. Ok. Tu es dans un train. Le soleil se couche. Tu l'observes par la fenêtre. Un soleil couchant. Je ne sais pas, il est 18h, 19h. Le soleil se couche et ton regard se perd. Ton regard se perd et finalement tes émotions aussi se perdent. Tes sens se perdent puisque tes sens sont en train de s'endormir mais en même temps sont alertes. Du cliquetis, du train sur les rails, peut-être une odeur de café de la personne qui est derrière toi. Et puis ce soleil couchant, qui signifie tout autant la fin, mais aussi le renouveau, car tu sais très bien que la lune prendra sa place, et puis le soleil, tel est le cycle. Et peut-être qu'une autre tournée prendra la place de celle que tu as finie. Et tout cela t'inspire. Un mot, une phrase, mais peut-être même une mélodie. Tu sais, ce genre de mélodie qui pop un peu dans la tête comme ça. Tu sors un carnet, un ordinateur, ton portable, et tu te mets à écrire. Deuxième cas de figure. Tu te réveilles. Tu es dans ton lit. Alors pas un lit gonflable au milieu de l'océan qui est en train de... Mais un vrai lit. Un vrai lit. Tu te réveilles, tu es dans ton lit. Avec ta chérie ou quelqu'un d'autre, cela ne me regarde pas. Il y a toujours un peu d'humour quand même. Oui. Ou seul. Tout seul. Tu te réveilles en pleine nuit et... Tu as ce rêve. Tu as ce rêve, mais ce rêve qui commence à s'évaporer. Car tu sais que les rêves ont tendance dans les 30 et les 40 premières secondes à disparaître. Mais ce rêve-là, tu ne veux pas le faire disparaître. Il est 3h du matin, un horaire qui, souvent pour ceux qui se réveillent en pleine nuit, n'est pas un hasard. Et dans ce rêve, tu sais qu'il y a eu quelque chose, peut-être une phrase, peut-être une mélodie, peut-être un environnement, un contexte. Cela te paraît important, tu ne sais pas pourquoi. Mais tu décides de faire confiance à ce voyage onirique qui commence à disparaître. Tu sors ton ordinateur, un téléphone, un carnet. Et tu notes. Alors, plutôt train soleil couchant, plutôt rêve onirique, les deux en fonction des contextes, ou aucun des deux, peut-être. Mais ça n'est jamais arrivé pour l'instant. Alors, c'est vrai que c'est deux situations qui peuvent être tout à fait cohérentes, et ça peut arriver souvent. Je pense que, moi, me connaissant, je serais beaucoup plus de la première situation, parce que c'est vrai que vivant à Bastia ayant fait toute ma vie, presque, à part 3 ans à Nancy, j'ai fait toute ma vie à Bastia, et donc je suis très attaché à la nature, à la mer, à la montagne, et surtout à la montagne. Et je pense que de voir un coucher de soleil dans un train, et ça, je l'ai déjà fait d'ailleurs, écrire dans le train, donc je pense que je serais beaucoup plus attiré et beaucoup plus en phase pour faire de l'écriture à ce moment-là. A contrario, récemment, j'ai rêvé d'une mélodie et je me suis réveillé le matin, j'ai pris mon dictaphone et j'ai fait une chanson dans mon sommeil, si tu préfères. Donc, et bien, voilà. Donc je dirais pas les deux parce que je préfère la première situation, mais la deuxième situation, bon, pas tout à fait la deuxième situation, mais voilà, j'ai rêvé d'un, j'étais dans mon rêve et je voyais un musicien avec une guitare et je suis allé vers lui et on a composé ensemble. Et quand je me suis réveillé, j'avais toujours la mélodie dans ma tête et je l'ai enregistrée sur mon dictaphone pour pas l'oublier. Et elle est très cool. Donc... C'est exceptionnel. J'adore cette histoire. Voilà. Pour moi, c'est porteur de sens, en tout cas. Bah, c'est la première fois que ça m'était arrivé et bah, c'est très cool. On en parlait en début d'émission. Faites ce que vous aimez, croyez dans vos rêves, oui. Dans la vie comme dans la nuit. Merci Johan Casanova d'avoir participé à cette émission. Merci à toi de m'avoir reçu. On rappelle que... Bah, de rien. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et aux auditeurs, on rappelle que ton premier album sort le 29 septembre. Pardon. Ah, y a pas de souci. J'ai eu un chat. Ah ouais. le 29 septembre, que tous les des morceaux sont encore disponibles, enfin sont toujours d'ailleurs disponibles sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify. On suit ton actualité évidemment. Et puis on te souhaite le meilleur pour la suite. Eh ben merci beaucoup et j'espère vous revoir prochainement. Mais en tout cas merci de m'avoir accueilli dans vos locaux. Avec plaisir. Couleur locale sert à ça. Ça fait la promotion des artistes de la région. Et pas que. Et on espère que tous ces artistes arriveront à un moment. Et on espère assez vite dans leur carrière à atteindre le Nirvana. C'est ce qu'on vous souhaite quand même à tous. J'adore. Je sais. Et c'est le titre qu'on va écouter, donc qui est sorti aussi cette année, Nirvana, en 2023. Oui. Ça parle de quoi, rapidement, avant qu'on... Alors, Nirvana, voilà, j'ai mis le doigt sur une situation amoureuse ou amicale qui peut être nocif. Voilà, j'ai pu vivre dans ma vie, pas maintenant, mais il y a quelques années, une relation un peu malsaine où on se sent quand même... on se sent aimé, mais c'est très bizarre. On se sent un peu sous l'emprise aussi d'une personne. Et au final, on n'arrive pas à être complètement soi-même et complètement heureux. Et c'est pour ça que voilà, le nirvana, dans la religion bouddhiste, c'est le bonheur absolu. Et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu justement écrire sur ce sujet et en disant que voilà, je pensais que tu étais mon nirvana, mais bon, c'était pas le cas du tout. Et voilà, c'est le fait de se défaire aussi de ces relations qui ne sont pas cohérentes pour nous et qui sont pas en phase avec notre développement. Et voilà, savoir dire stop et penser à notre bonheur plutôt que de penser à ces personnes-là qui finalement ne nous veulent pas forcément du bien et veulent leur propre bien. Pensons à notre bonheur et beaucoup de bonheur pour toi pour la suite, Johan. Merci de ta confiance sur Fadjet dans Couleur Locale. Bonne sortie merci. D'album, bonne release aussi. On suivra toutes les informations. C'était Pierre en micro, Fadjet Couleur Locale, les samedis 13h, les dimanches midi, le podcast dimanche à 18h. Si je n'ai pas oublié, et vous le savez, souvent j'oublie, alors ce sera peut-être lundi à la semaine prochaine sur merci Fadjet. Beaucoup, ciao. Rien, merci, ciao. Dans Couleur Locale, Nirvana. J'ai failli devenir faux poupée vaudou. T'enfonces le clou, t'aimes ça.